préfère de loin revendiquer une cause ou dénoncer un tas de choses. Maintenant, man, j'ai fait le choix d'être sensé dans ce que je pose. Être vrai, rester moi-même, aucun discours contradictoire. Un rap dénonciateur, j'ai choisi ma trajectoire. J'évite de suivre ce mouvement, cette tendance qui est de se prendre pour un gangster, un thug, un hustler. Soi-disant, ils ont des armes, des femmes roulant grosse caisse et des réseaux de cam. Rappeur imposteur, crois pas que les auditeurs sont idiots. On sait que les vrais voyous sont dans la rue et pas au studio. En plus de mentir, t'incites nos petits frères à avoir un casier judiciaire. Réfléchis un peu, ce que tu fais n'est pas très judicieux. T'as la chance d'être écouté, fais preuve de maturité. Sois un bon exemple pour eux, acte irresponsable que de se vanter d'être allé au jaune. Essaie d'être intelligent, donne plutôt d'espoir aux jeunes. Ils disputent toute la place sans s'affronter en face. Et se tirent des balles dans le dos, mais sont dans le même bateau. Renvoyé aux frères, pour être reconnu font purger de la prison zère. Crois-moi, pour être rappeur faut être un gros bonnet. Mon style vrai rap se fait qu'avec sincérité. Reste toi-même face à ton quartier quand on doit défendre ta partie. Moi je gratte la feuille, c'est pas pourtant j'ai plein des bifs. Arrête de mentir sur tes textes, on est l'exemple à chaque cité. Arrête de mentir sur tes textes, si ce n'est pas ce que tu fais. Sois réel mon pote si tu veux que les gens te respectent. L'honnêteté c'est une grande chance que beaucoup délaissent. Moi j'ai pas suivi cette tendance pour me faire connaître. Dis-moi pourquoi j'en fais pas autant au lieu de jouer les bêtes. Plus t'es vrai, plus t'es critique, danse pour tel mec. Arrête de foutre la merde, les gens t'écoutent et perdent la tête. Ils font des conneries et finissent tous incarcérés. Rares sont ceux qui peuvent se réinsérer. Ils disputent toute la place